Imagine une histoire sans conflit, sans problème, sans dualité, c'est impossible. Que raconter si ce n'est la douleur? Voilà pourquoi nous nous évertuons à ciseler la douceur. Nos vies sont-elles si plates? Alors pourquoi se parfumer à la polémique tragique et la comédie vouée à l'apoplexie dans toute sa poésie? Pathétiques nous sommes, pathétiques nous resterons. Magnétiques, la souffrance nous attire, paraît-il, l'âme est triste, mais se sent vivante, silencieuse. Silence immense, pris dans le ciment. On vit nos vies par substitution, miroitant les fictions, moult péripéties, vastes illusions. De peur qu'un beau matin, les nôtres ne s'avèrent qu'être des pots de chagrin. Pourquoi toute cette agitation? Serions-nous effrayés par la quiétude? Faisons preuve d'imagination, et certainement trouverons-nous que la vie est dure. On nage en plein paradoxe, en plein délire, quand on en arrive à regretter d'avoir autant de temps libre, de pouvoir se payer le luxe, le loisir de réfléchir. Et ceux qui ne peuvent y accéder, on les envie pour ainsi dire. Pour occuper ces plages vides, on se divertit tant bien que mal. On donne du relief à la vie, fait des vagues dès que le calme s'installe. Et on se plaint dès qu'on peut, trouve des prétextes partout. Sans pour autant décamper, on reste juste pour dire que ça vaut pas le coup. Dans nos parcours, pas trop d'amour, dans mon rap sourd, trop de mots tabous. Mis bout à bout, ça donne en vrac. Rire, joie, confort, ciel bleu, vision merveilleuse. Osmose, goût intense, parfum parfois doux. Comme si j'étais maudit, possédé, incarné par le malheur. Condamné aux coulisses tristes, à l'envers du décor. En vrai je m'étonne de n'écrire que des primes sur des primes, et de replanter dans mon esprit des grains d'aigreur dans les débris. Pourquoi toute cette agitation? Serions-nous effrayés par la quiétude? Faisons preuve d'imagination, et certainement trouverons-nous que la vie est dure. Toute cette agitation, serions-nous effrayés par la quiétude? Faisons preuve d'imagination, et certainement trouverons-nous que la vie est dure.